Ça va? Eh, les amis, vous êtes contents d'être là ce matin? Il manque beaucoup de monde ce matin. Mais vous, vous êtes là. Il y en a en bas. Un petit peu en bas. Okay. Mais vous, vous êtes là. Moi, je suis là. Puis il y a peut-être un autre qui est là. Hein? Notre... le tout autre. Hein? Le tout autre. Dans les lectures en théologie, on parle souvent de Dieu comme étant le tout autre. Notre vis-à-vis, mais tout, qui est tout autre que nous. Et quand Jésus a bien voulu se rapprocher de nous. Hein? On va en parler ce matin. On va parler de Dieu qui s'est approché de nous en Jésus. Fait que ce matin, on parle de... assumer sa liberté. On a commencé il y a deux semaines, il me semble, hein? Il y a deux semaines. On est en train de parler de... plus longtemps? Peut-être, je ne sais pas. On a commencé cet été à parler de la grâce. Hein? Grâce et liberté. La grâce que Dieu nous fait. J'ai commencé à parler de la grâce et de la liberté parce que j'avais une préoccupation. Que parfois, comme chrétien, hein? J'aimerais mieux utiliser le mot « disciple de Jésus », mais comme chrétien, et surtout si on a reconnu une certaine forme de légalisme et de moralisme. Je dis bien si on a reconnu, mais je pense que souvent dans les églises, c'était le cas auparavant dans le catholicisme, il y avait un légalisme et un moralisme astreignant. Aujourd'hui, sur le terrain, c'est hein, les curés, les prêtres sont plus... sont plus lénientes, comment on dit ça en français, sont plus flexibles, plus compréhensifs. Mais dans le milieu évangélique aussi, hein, je pense que à des degrés différents, les églises évangéliques peuvent être très légalistes, plus ou moins, aussi bien que moralisateurs. Et puis, donc, j'ai une préoccupation que il me semble, pas seulement, et là je ne parle pas seulement de la communauté ici, mais je l'ai vécu aussi dans d'autres communautés, que des gens qui ont connu plus ou moins le légalisme, le moralisme, lorsqu'on parle de la grâce et de la liberté, les chrétiens ont de la difficulté à assumer la liberté. On l'a dit parce que c'est plus sécurisant d'avoir un cadre légaliste qui nous dit exactement qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si on est mormon, ben c'est sûr, tu sais, tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de... C'est décidé pour toi. Et on prend la décision pour toi, c'est fait. Mais, et parfois dans les églises évangéliques, on a tombé là aussi. Hein? OK? On est allé là aussi. Là. Moi, je viens d'un arrière-plan protestant, de tradition de piété, hein, il y avait des cadres très, très rigides. Là, si on parle de la grâce, on a de la difficulté, parfois comme chrétien, de vivre cette grâce-là. Et je mets la grâce en lien avec la liberté aussi. Parce que Dieu nous veut libres et nous donne la liberté, mais cette liberté-là, on a de la difficulté à l'assumer. C'est pourquoi je parle de assumer sa liberté. Comment l'assumer? Je pense que peut-être même dans la communauté ici, comme dans d'autres communautés, il y a des gens qui ont de la difficulté à assumer la liberté. On pense que la liberté veut dire tomber dans un laxisme, un relâchement. Ah, j'en suis libre, maintenant j'ai plus. Hein? Et on ne tient pas compte en vue de quoi que Dieu nous libère, qu'il nous donne la liberté. Moi, j'abonde dans le sens de Jacques Ellul. Et d'ailleurs, je vais le citer plusieurs fois ce matin. Quelque part, il y a eu, hein, il y a eu un dérapage, il y a eu une subversion du christianisme. Parce que ce que Dieu avait en vue, vraiment pour nous, on a dérapé, hein, de ce projet que Dieu a pour nous. Faites-vous-en pas, je m'en vais à quelque part. OK? All right? Quelqu'un, ce matin, on va faire une chose. Michel, la semaine dernière, il a blogué avec vous. Hein? Il a blogué? Qui était là dimanche passé? OK. Donc, Michel, c'est ça, il a blogué avec vous. C'est lui qui a apporté la parole. Puis, il a fait comme un blog. Hein? Il a dit ce qu'il avait à dire. Ensuite, vous aviez à commenter. Fait, on va faire pas tout à fait la même chose ce matin. Ce ne sera pas un blog, mais je vais plutôt faire comme Jean Languirand. Combien ont déjà écouté Par quatre chemins? Par Jacques Languirand. Ça joue encore. Ça joue encore, je pense. Mais là, je ne l'écoute plus là, parce que c'est à la radio. Hein. C'est la TV que j'écoute. Mais pour longtemps, à la radio, je ne me souviens pas pourquoi. Je pense que c'est tant que je me déplaçais. C'est ça, c'est tant que je me déplaçais pour faire des réunions à différents endroits. Puis le soir, quand je revenais dans l'auto, j'écoutais Jean Languirand. Et puis, avant, parce que ça fait très longtemps, c'est une émission qui dure depuis très très longtemps, Par quatre chemins. Et puis, le soir, je m'endormais sur la voix de Jean Languirand. Ce que Jean Languirand faisait, c'est que Jean Languirand lisait, hein, il lisait des livres, des articles. Et dans son émission, il citait, toujours avec un lien ensemble, là, citait un, citait l'autre. Puis, à un moment donné, une fois, à Rosemère, il y a une dame qui m'a fait un compliment. Puis elle m'a dit, j'aime ça, t'entendre, parce que tu me fais penser à Jean Languirand. Alors, elle dit, je te le dis comme compliment, là. OK. Puis ce matin, on va faire des citations. Je vais surtout citer. Citer, puis on va réfléchir sur certains auteurs qui nous parlent de la liberté. Assumer notre liberté. Je dis explorer les paramètres de notre liberté créationnelle et rédemptrice. Donc, dans le dernier partage que j'ai emmené, j'ai introduit le thème de la liberté en citant, en racontant aussi l'histoire des frères Karamazov, c'est un roman de Dostoïevski. Et puis, non. Et puis, donc, dans ce roman, ce que Dostoïevski essaie de mettre en lumière, c'est justement la difficulté comme humain que nous avons à assumer notre liberté. Ça, c'est un auteur du 19e siècle, donc ce n'est pas d'hier. Mais, et là, Dostoïevski, dans ce roman-là, va faire dire justement que c'est un inquisiteur représenté par un évêque qui confronte Jésus, puis qui va dire à Jésus, tu vois, la liberté, là, les gens ne savent pas quoi en faire de ta liberté. Les gens aiment mieux la servitude, aiment mieux qu'on les mène comme un troupeau, parce que la liberté, ils ne savent pas quoi en faire. Puis on a parlé un peu on a introduit le thème à partir de cette citation du roman de Dostoïevski. Le texte que nous avions utilisé comme point de départ, c'était Galates 5.1. Parce que Paul va dire que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté que Dieu nous a libérés. Christ nous a libérés. C'est pour la liberté. Ce matin, OK. Dans les milieux évangéliques, sans doute vous avez déjà entendu parler du calvinisme, l'arminianisme, c'est deux pôles opposés. Okay? Deux pôles. Parce que dans le calvinisme, Dieu nous a prédestinés, les uns sont prédestinés pour le ciel, d'autres sont prédestinés pour l'enfer. Et puis, là je résume Calvin. Et puis, à l'opposé de ça, il y avait Arminius, c'est pourquoi on appelait ça l'arminianisme, qui disait non, non, l'homme est libre, totalement libre. Mais en même temps, dans l'arminianisme, il y avait par contre un autre attrape, c'est que le salut était si fragile que tu pouvais le perdre à tout moment. Moi, j'ai été élevé là-dedans, c'est mon arrière-plan. Mon salut, je le perdais à tout moment. Un pasteur, mon pasteur, quand j'étais jeune, 14-15 ans, avait illustré que le salut, c'était comme la lumière. Alors que quand tu péchais, c'était comme éteindre la lumière, tu perdais, en me demandant pardon à Dieu. Il y a pas seulement l'arminianisme puis le calvinisme, il y a d'autres aussi écoles de pensée. Et puis, moi, j'aime bien Luther, j'aime bien la théologie de Luther. Lorsque Luther va dire que, pour Luther, c'est bien simple. Luther, le réformateur, pas Martin Luther King, mais Martin Luther, le réformateur. Juste Martin Luther disait, c'est bien simple. En Jésus, tous sont prédestinés au salut. Tous. C'est pas que Dieu a décidé que les uns le seraient et les autres ne le seraient pas. En Jésus, parce que Jésus, Dieu nous a donné Jésus. Et en Jésus, tous sont prédestinés au salut. Donc, il s'agit de l'accepter, de le recevoir. Donc, on va commencer par voir ce matin quelques citations par rapport à la liberté comme condition de l'homme ou état de la création. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce premier point-là, parce que je pense qu'on est tous bien au fait que Dieu laisse la créer l'homme, il a créé libre, il a donné une liberté à l'homme. Mais j'aime bien quand même cette citation que Paul Tournier fait d'un auteur, le professeur Auteur. Tu dis la personne, quand tu dis le mot personne, là, la personne est synonyme de liberté. On n'est pas un chimpanzé, on n'est pas, on n'est pas au niveau d'une espèce animale. L'humain, quand on dit la personne humaine, c'est synonyme de liberté que Dieu nous a créés libres. Adam et Ève étaient libres, libres, mais en vue du projet de Dieu. Un peu plus loin dans son livre, et d'ailleurs, Paul Tournier, je vous disais, là, hein, j'ai souvent cité Jacques Ellul. Parce que Jacques Ellul est peut-être le théologien, hein, un sociologue aussi en même temps, qui m'a beaucoup, comment je pourrais dire, qui m'a beaucoup aidé à voir différemment les Écritures. Un autre auteur qui m'a aussi beaucoup, Paul Tournier. Paul Tournier, c'est un auteur aussi qui m'a beaucoup aidé à voir autrement les choses. Alors, si vous cherchez des ouvrages très édifiants à lire, Paul Tournier, il n'est pas difficile à lire. Ellul peut être un petit peu plus difficile à suivre. Mais Paul Tournier, c'est un médecin. Et puis, un psychologue, je ne sais pas si c'était psychiatre, mais c'est certainement un psychologue. Et puis, il a une approche, hein, très, comment je pourrais dire, thérapeutique, hein, thérapeutique par rapport à la personne humaine, puis un grand respect grand respect pour pour, ouais, pour l'humain, l'humain. puis celui aussi qui est malade, Ouais. j'avais vu Ouais. Alors, le livre, par exemple, le personnage et la personne. Très bon livre, le personnage et la personne. Et dans ce livre, il va dire donc, le respect de la personne, c'est ce respect du droit de disposer librement de soi-même. Puisque c'est précisément l'engagement libre et responsable de soi qui crée la personne. On réfléchit un peu à ça? On peut s'attarder? Parce que le but ce matin, justement, c'est qu'on s'arrête à ces pensées-là. Et puis qu'on saisisse la portée de ces citations. Le respect de la personne, c'est ce respect du droit de disposer librement de soi-même. Dieu nous donne ce droit de disposer de nous-mêmes. Maintenant, je dirais que vis-à-vis de Dieu, c'est moins un droit, c'est plus une capacité. Face à Dieu, je n'ai pas un droit, j'ai une capacité que Dieu m'a donnée. Dieu a donné à l'homme la capacité de la liberté, la capacité de choisir. Si on revient au texte de Paul, Paul va dire, attention de ne pas retomber sur l'esclavage, parce que Dieu vous a donné un choix. Hein? Vous avez cette liberté-là. Enfin, donc, face à Dieu, c'est une capacité que Dieu me donne. Mais par contre, par rapport aux humains, par rapport aux autres, on pourrait dire que c'est un droit. La liberté devient un droit. On a fait beaucoup de chemin, hein, on pourrait dire, depuis l'avènement de Jésus. Depuis le début du christianisme, on a fait beaucoup de chemin dans les droits et les libertés. D'ailleurs, Frédéric Lenoir, aussi bien que Jacques, moi, son nom déjà, on est allé le voir. Guilbeault, non, pas Guilbeault. On est allé le voir chez les franciscains. Jean-Claude Guilbeault. Jean-Claude Guilbeault, dans un de ses livres, il en parle aussi, mais Frédéric Lenoir aussi, dans Le Christ philosophe, aussi bien que dans son dernier, là, sur Socrate, Jésus et Bouddha. Puis il va tracer le fait que l'Occident, hein, toutes les libertés se sont développées Les droits que nous avons, on les doit au christianisme, on les doit à Jésus, que Jésus, avec la venue de Christ, que Dieu donne une valeur à l'homme. Et c'est par le message de Christ que des hommes et des femmes ont milité en faveur des droits et des libertés des hommes. Enfin, lorsqu'on parle de la charte des droits et des libertés, ben, cette charte est tributaire au message évangélique, au message de Jésus, du fait que Dieu, dans la personne de Jésus, est venu donner une valeur à l'homme. Puis c'est le christianisme qui dit, hein, Jésus lui-même. Mais ensuite, Paul, hein, il a explicité en disant que en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ça, c'était révolutionnaire pour le temps. C'était révolutionnaire. Alors qu'on sait encore aujourd'hui, dans tellement de civilisations, la femme n'est pas égale à l'homme. Ça existe encore, vous le savez, ça. Dans combien de sociétés où les gens n'ont pas les mêmes droits, ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux dans la société, puis ils ne sont pas égaux devant la loi. Il y a certains pays, ça va plus loin que ça, hein? Il y a des castes. Si tu es né dans une bonne famille, tu as des droits. Si tu es né dans une mauvaise famille, en bas de l'échelle sociale, tu n'as pas les mêmes droits. Mais notre charte des droits et des libertés, on la doit au message de Christ. Fait que, tant qu'on dit que Dieu, hein, que le respect de la personne, c'est le respect du droit de disposer librement de soi-même, parce Dieu nous donne cette liberté-là, cette capacité. Mais face à d'autres humains, c'est un droit. J'ai toujours de la difficulté à concevoir, et je pense même, hein, j'ai déjà parlé même à parents vis-à-vis des enfants, tu sais, hein, on les élève, on les éduque, mais il faut toujours faire attention que ce ne soit pas un pouvoir contrôlant, dominateur. Parce que j'ai toujours, en tant que patient, j'ai toujours fait attention à ça aussi. Dans nos relations, de ne pas avoir une relation de domination. Parce que j'ai toujours de la difficulté de voir quelqu'un qui va dominer quelqu'un d'autre, ou contrôler. Je pense à cette parole de Jésus qui va dire à ses disciples, les grands de ce monde, les grands de ce monde, ils vous tyrannisent, ils vous dominent. J'aime un autre mot, ils vous bulldozent. Hein? Hein, les grands de ce monde, c'est des bulldozers. Autour de là, parce que tu vas te faire écraser. Il y a tellement de relations comme ça dans la société, de domination, de contrôle. Et Jésus va dire, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Parce que la relation que nous avons les uns envers les autres doit être une relation de droit, de disposer de soi-même, droit à la liberté, que je suis libre, que quelqu'un ne peut pas m'imposer quelque chose. J'ai cette liberté face à Dieu, parce qu'il me donne cette capacité, mais je l'ai aussi face aux autres, face aux hommes. Donc, on appellerait ça une liberté créationnelle. La liberté que, hein, comme étant la condition de l'homme créé par Dieu. Tu laisses que Dieu crée l'homme et lui donne cette capacité de liberté. Nous allons voir une autre liberté. La liberté retrouvée ou restaurée comme étant résultat de la rédemption. Parce que cette liberté que Dieu nous donne, que Dieu a donnée à la création, l'homme l'a perdue en se retrouvant par le péché déterminé, dominé. Jean Tellu va beaucoup parler justement de toutes les choses qui nous déterminent. Le calvinisme est une détermination. Parce qu'on dit, ben, Dieu a décidé, c'est un déterminisme. Jean Tellu va dire, non, non, non. Dieu nous délivre de tous ces déterminismes-là. On n'est pas déterminé. Dieu nous donne une liberté. Et donc, par la rédemption, Dieu restaure cette liberté-là en Christ. Hein? Jésus vient. Et c'est là que Galates 5,13, Paul va dire, « Frère, vous avez été appelés à la liberté. Hein? » On l'a vu. Cette liberté-là, elle est créationnelle. Jésus-Christ vient, puis dit, on n'est plus déterminé par la loi. Fais pas ci, fais pas ça. Mais il va dire, cette liberté-là que vous avez, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Donc, j'aime aussi, Tintin qui dit que cette liberté-là ne devienne pas un prétexte. Il pourrait aussi bien dire que ça ne devienne pas une trampoline. Hein? Ou un tremplin. Hein? Que la liberté ne devienne pas une excuse pour vivre selon la chair. C'est là que je disais tantôt que comme chrétien, parfois on a de la difficulté à assumer notre liberté. Parce que tant qu'on parle de liberté, on tombe dans le laxisme, dans le relâchement. Les chrétiens ont plus de facilité d'évoluer dans une église, je dirais légaliste parfois. Se peut-il? Ils ont plus de facilité à évoluer dans une église moralisatrice, moralisante, que dans une église de liberté? Se peut-il? Il y a donc une difficulté à assumer notre liberté. Je vais citer Jean Tellu. Puis on va s'arrêter à cette pensée. Il va dire, la seule relation que Dieu accepte est celle de l'homme, qui librement se reconnaît créature et par conséquent attend de Dieu, demande de Dieu ce qui est bon pour lui. J'avais déjà cité, là, ce qu'il dit, ce qui sauve sa liberté. Ce qui sauve sa liberté à l'homme. C'est sa main tendue vers Dieu. Ce qui est le signe de sa liberté, c'est sa prière. Ce qui sauve l'homme, c'est la prière. C'est le fait que nous reconnaissons que cette liberté est donnée par Dieu. Alors, là, c'est dit, là, la seule relation que Dieu accepte est celle de l'homme qui librement se reconnaît créature. Librement se reconnaître créature et qui attend de Dieu, demande de Dieu ce qui est bon pour lui. Dans un article que j'avais lu, qui citait un dictionnaire sur les religions, le Harper Collins Dictionary of Religion. Lawrence Cunningham, qui est un auteur, puis un chercheur, un historien. Là, il y a tout... c'est un dictionnaire sur les religions. Hein? Fait, c'est très volumineux. Là, à la fin, J'étais en train de parler donc du christianisme. Et puis, à la fin de centaines de pages où il parle du christianisme, qu'est-ce que c'est que le christianisme? Lawrence Cunningham inscrit trois phrases qui pourraient être destinées au lecteur qui vient tout juste de fermer le dictionnaire, abasourdi par le nombre d'expériences religieuses décrites dans ces pages. J'ai terminé cet été, j'ai lu, parce que quelqu'un me l'avait offert en cadeau, le livre de Karen Armstrong, je pense, non? Je me souviens plus exactement. Mais c'est tout, c'est l'histoire. C'est The Taste, le cas de Dieu. Le cas de Dieu. Puis là, elle traite de toutes les religions. Puis, hein? Un gros volume. Fait que, t'imagines, tu lis un gros volume là, hein? Sur toutes les religions, toutes les. Ou si quelqu'un a lu, par exemple, le triste philosophe, ou bien donc un dernier de Frédéric Lenoir, comment Jésus est devenu Dieu, hein? Puis là, vous voyez toutes les tractations, comment que, hein? Les conciles, puis les papes, puis hein? Là, à la fin, tu pourrais être abasourdi, puis dire, je te suis là-dedans, moi, là, je te suis là-dedans, tu sais, waouh! Et là, Lawrence Cunningham va résumer 1000 pages. Par trois phrases. Trois phrases, il dit tout. Il va dire, pris dans son ensemble, le phénomène de la chrétienté peut sembler complexe dans son histoire et ses pratiques, et nous pourrions être portés à oublier que la base de la chrétienté repose sur une simple prémisse. La chrétienté affirme que l'être humain existe dans un état d'aliénation. Grand mot. Aliénation, ça veut dire séparation. Hein? Alors, la chrétienté affirme que l'être humain existe dans un état d'aliénation. Cette aliénation entre nous et avec Dieu a été guérie par la vie et l'action salvatrice d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. La chrétienté, alors, a à son centre non une idée, mais une personne. Pas-tu beau? Pas-tu beau? Il a résumé 1000 pages, hein? Il écrit, il explique. À la toute fin, il y a trois phrases. Dans ces trois phrases-là, il va dire le prémisse de la chrétienté, là. C'est que l'homme est aliéné de Dieu. L'homme est séparé. Par une personne, cette aliénation-là, elle est guérie. Y a un pont. Oh, on connaît l'histoire du pont. Il y a un pont qui nous relie maintenant à Dieu. Cet abîme n'est plus. Par Jésus-Christ, on est guéri de cette aliénation-là. L'homme n'est plus séparé de Dieu. Et donc, il va dire, le centre du christianisme n'est pas une idée, une doctrine, un credo, une philosophie, mais le centre, l'épicentre, c'est une personne, Jésus. Dans cette pensée-là, toujours en lien à cette pensée-là, Jean-Paul II, je pense que je ne l'ai pas mis, non. Jean-Paul II, je n'étais pas sûr de citer Jean-Paul II, mais toujours dans ce lien. Par rapport que Dieu qui crée l'homme libre et qui redonne cette liberté, qui guérit cette aliénation-là. Il va dire, même ceux qu'aujourd'hui critiquent le christianisme en conviennent, ils reconnaissent aussi que le Christ crucifié est une preuve de la solidarité de Dieu avec l'homme qui souffre. Dieu se met du côté de l'homme et il le fait radicalement. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Hein? J'aime le fait qu'il dit, c'est pas seulement nous comme chrétiens, même lorsqu'on parle à des athées. J'y pense, il m'est arrivé de parler à des athées. Qui disaient hein, que ce qui les fascinait du christianisme, c'était le fait qu'en Jésus, Dieu était devenu homme. Je disais, c'est fascinant. Si je devais croire, si je devais croire en Dieu, ben c'est pas dans le Dieu de Mahomet que je croirais, mais dans le Dieu, hein, une autre forme de Dieu, je croirais dans le Dieu de la Bible. Ben, je trouve ça fascinant, fascinant que Dieu s'est rendu solidaire, solidaire à nous, afin de nous redonner cette liberté-là. On va retourner à une citation de Jean Tillieux. Nous essayons de montrer que Dieu accepte les détours de l'homme. C'est bien les paroles, hein? C'est formidable. Je pourrais le dire, ça n'aurait pas la même portée que Jean Tillieux. Tu comprends? C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Tillieux. C'est pour ça que je le cite. Moi, quand j'ai lu ça, là, je dois vous dire que j'ai lu l'éthique de la liberté de Jean Tillieux. Quelqu'un m'a fait le cadeau. C'est 3 volumes. En 1987, et je l'ai lu qu'en 1994, parce que pendant X années, ça a dormi dans ma bibliothèque, parce que ça ne me disait rien. Éthique de la liberté. Jean Tillieux, ce n'était pas un auteur évangélique. Parce que, hein, je ne portais pas tellement d'intérêt. Mais quand j'ai lu Jean Tillieux, en 1994, où est-ce que, hein, il y a des choses que je remettais en question. Et je dirais jusqu'à un certain point que Jean Tillieux, il a sauvé ma foi. Il a sauvé ma foi. Quand j'ai lu, dans un an, j'ai lu les trois tombes. Quand j'ai lu cette parole-là, Dieu accepte les détours de l'homme. C'est pas si beau, ça? Dieu accepte nos détours. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pas de Dieu, ça. On pourrait dire d'une autre façon, Dieu nous donne une marge d'erreur. Hein? Dieu nous donne le droit à l'erreur. C'est pas tout beau? Et que finalement, son œuvre est faite de centaines de milliers de micro-décisions humaines. Vous êtes libre de faire des erreurs. Et que la volonté de Dieu pour nous, la volonté de Dieu pour moi, est faite de mille et une micro-décisions que je prends. Et que Dieu utilise et qu'il en fait sa volonté pour moi. C'est pourquoi j'aime la tournure de Paul Tournier. Je l'ai souvent cité. C'est pas toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une mauvaise traduction. Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout à leur bien. Voyez comment Paul Tournier et Jacques Ellul sont en lien un avec l'autre. Avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout à leur bien. Alors, la marge d'erreur qu'il vous donne, ce n'est pas afin que vous puissiez, qu'on puisse, je me parle à moi, devenir me relâcher. Mais alors que j'utilise ma liberté, et dans cette liberté-là, je vais faire des erreurs, j'ai une marge d'erreur. Dieu va continuer à collaborer avec moi pour mon bien. Dieu ne cesse pas. Dieu ne cesse pas. Dieu continue, travaille avec nous. Mais c'est Dieu qui, dans sa liberté, utilise, c'est-à-dire rend utile ce que nous avons décidé. Il est évidemment absurde de déclarer que Dieu ne peut pas se passer des hommes. Dieu peut, bien entendu. Mais il a décidé en lui-même. Il a décidé en lui-même. Et lui seul, de ne pas se passer des hommes, de rester attentif à leur œuvre, à leurs décisions, à leur chemin, et d'entrer dans cette voie. Ben, ça me fait penser à Sophonie, je pense. Est-ce que c'est Sophonie ou est-ce qu'il dit que Dieu, dans son amour, il gardera le silence. Il aura pour toi des transports de joie. Mais tant qu'il dit, il est attentif à notre œuvre. Puis, j'aimerais aller plus loin, mais là, déjà, ça avancé, là. On ira plus loin une prochaine fois. Je ne sais pas quand. Mais, au début, là, quand je parlais de Manon et Martin. Mais c'est vous, comme parents, c'est vous, comme. À chaque jour, alors qu'on vit notre vie, puis qu'on pense aux autres. Vous vous rappelez de ce que je parlais de l'égoïsme? Le contraire de l'amour, là, ce n'est pas la haine. Le contraire de la haine, c'est le pardon. Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. Penser pour soi-même. L'amour fait que je pense aux autres. Mais là, si on est en train de vivre nos vies, que. C'est là que je vous encourage. Vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes des jeunes, vous êtes en relation avec du monde, on est en relation avec d'autres. Puis on pose des gestes d'amour envers les autres. On est en train d'utiliser notre liberté pour le bien des autres. Comme Jésus s'est servi de sa liberté pour notre bien à nous. Lorsque vous, chaque jour, vous peinez, oui, il y en a d'entre vous qui peinez plus que d'autres. La vie peut, il y a des fois, la vie est plus difficile pour les uns que pour les autres. Puis parfois, c'est des saisons. Pour une saison, c'est difficile. Pour une autre saison, ça l'est moins. Mais alors qu'on vit notre vie avec ces mille et une petites décisions qu'on prend, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Alors qu'on pose ces petits gestes d'amour, Francine, hein, quand tu travailles, tu as l'écoute dans ton travail des gens. en train d'accomplir la volonté de Dieu par ces mille et une petites décisions. J'aimerais penser à des exemples pour les jeunes aussi. Hein? À l'école, au cégep, ou whatever, tu sais. Les parents, la famille. Cette liberté que Dieu nous donne en vue qu'on puisse servir les autres, servir au projet de Dieu. En fait, j'aime cette pensée-là de Jean Tellier. Dieu reste attentif à notre œuvre. Dieu est attentif à nous. Dieu le voit. Et il se réjouit. Amen.